Vous êtes à la ferme musée Igartubeti, située au cœur de la communauté de Urola-Garaya. C'est un espace unique, représentatif du patrimoine culturel du peuple basque. La ferme musée du XVIe siècle accueille à l'intérieur un grand pressoir en bois qui donne à ce bâtiment un caractère unique et singulier. On vous invite à découvrir ces modes de vie, connaissances et à savoir plus sur comment se faisait la cidre, la principale activité d'Igartubeti. En plus, dans le potager écologique vous pourrez profiter et découvrir les différentes variétés de légumes, plantes et arbres qui avaient une fonction symbolique et rituelle. Approchez-vous et découvrez les couleurs, sons, odeurs et formes d'Igartubeti.